Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'assassinat de Vanessa Campos, travailleuse du sexe, trans, sans papier, ou l'histoire d'un crime qui aurait pu être évité et d'une victime qui aurait dû être protégée. En avril 2016, la loi sur la pénalisation des clients pour services sexuels est votée au Parlement français. Au Bois de Boulogne, la petite communauté des trans d'Amérique latine se retranche dans la forêt, au Pré-Catelan, à l'abri des regards indiscrets et de la police surtout. Il s'agit de rassurer les clients désormais exposés à une amende de 1500 euros. Les policiers ne mettent que quelques jours à découvrir l'activité du sous-bois. Mais leur présence n'empêche pas l'éclosion d'une micro-criminalité. Une bande d'Égyptiens ultra-violents profite ainsi de leur indifférence pour détrousser et terroriser les filles ainsi que leurs clients. Vanessa monte alors au créneau. Elle alerte les associations et le commissariat, mais les autorités font la sourde oreille. Dans la nuit du 16 août 2018, elle est sauvagement assassinée. Elle avait 36 ans. Le lendemain, les journaux relaient l'affaire à la rubrique des faits divers. Les politiques peinent à s'émouvoir. Et deux ans après les faits, les 10 suspects n'ont toujours pas été jugés. Notre invitée aujourd'hui, Giovanna Rincon, militante pour les droits des personnes trans, co-porte-parole de la Fédération Trans et Intersexe et du STRAS, directrice par ailleurs de l'association Acceptesti et vice-présidente du corps VIH en Ile-de-France, notion que nous préciserons bien sûr au cours de l'interview. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Bettina Lioré, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Jeudi 16 août 2018, 22h30. La nuit est tombée sur le bois de Boulogne. Et depuis longtemps déjà, le jardin d'acclimatation et l'hippodrome de Longchamp ont fermé leurs portes. Les derniers promeneurs ont regagné leur voiture et le bois a enfilé sa tenue de soirée pour honorer, une fois de plus, sa réputation sulfureuse. Comme chaque soir, sur l'allée de la Reine Marguerite, des dizaines de travailleuses du sexe, maquillées comme des sapins de Noël, courent vêtues au perché, battent le pavé en attendant le chaland. D'autres, installées à l'avant de leur camionnette, patientent dans des postures aguicheuses et offrent à ceux qui ralentissent le spectacle de leur poitrine dénudée. À l'écart de l'agitation dans les profondeurs de la forêt, un modeste campement abrite un petit groupe de femmes. Ce secteur, c'est le Pré-Catelan, le spot attiré de Vanessa et des autres translatinos, comme on les appelle, dans la communauté et dont on ne connaît que le pseudonyme. Carmen, Tania, Béatrice, Karen, Camilla. Et déjà les premiers clients se présentent. Peu à peu, les couples éphémères s'éloignent et s'engouffrent dans des cabanes de fortune éparpillées autour du sous-bois. Il est 23h, l'obscurité quasi totale. Les lumières qui servent à indiquer l'emplacement des cabanes ont été éteintes, signe que toutes les filles sont occupées. La forêt est calme ce soir-là. Seuls se détachent des bribes de conversations chuchotées, quelques gémissements lointains. Mais tout à coup, un cri désespéré perce le silence. « Todas, todas !» Les filles interrompent leurs ébats et se figent. L'une d'entre elles est en danger. Chacune abandonne alors brusquement son client pour rejoindre les autres à l'extérieur. En quelques secondes, les filles s'équipent de lampes torches et se lancent à la recherche de celle qui a appelé à l'aide. Alors qu'elles avancent, désorientées, paniquées à travers les fourrés, elles réalisent que Vanessa manque à l'appel. Brusquement, 6 détonations retentissent. L'instant d'après, elles aperçoivent à une dizaine de mètres là, un groupe d'hommes à travers les branches. Aussitôt, elles se jettent au sol pour ne pas être vues. Couchées sur les feuilles, chacune retient sa respiration sans bouger, jusqu'à ce que les hommes prennent la fuite dans la même direction. Au loin, elles entendent des portes claquer et une voiture démarrer en trombe. Alors, sans réfléchir, Carmen et Camilla se lancent à leur poursuite. Les autres continuent à chercher dans la nuit noire. 30 minutes plus tard, à 23h30, Tania reconnaît la silhouette de Vanessa, écroulée au sol, qui gémit dans une mare de sang. Romina, qui arrive sur place quelques minutes plus tard, raconte. Deux ou trois minutes se sont écoulées quand j'ai entendu les bruits de balles. 45 minutes se sont écoulées quand j'étais ici et j'ai entendu crier de là-bas. Ils l'ont tué, Vanessa. J'ai retiré mes talons, j'ai couru, fermé cette portière, ma copine aussi, et je suis arrivé là-bas. Et là, j'ai vu Vanessa, allongée, avec du sang. Le corps de Vanessa est lardé de coups de couteau et une balle lui a transpercé le thorax. Saisies d'effroi, les filles appellent la police, puis les pompiers. 30 minutes plus tard, Vanessa est déclarée morte. Elle avait 36 ans. Le rapport de la police est glaçant. Les officiers constatent que les agresseurs se sont acharnés sur la victime. Elle aurait tenté de s'interposer entre un client et une bande de malfaiteurs. Une enquête est ouverte par la brigade criminelle de la police judiciaire. Mais au Bois de Boulogne, personne ne se fait d'illusions. Cet incident n'est pas le premier de ce genre, et sans doute pas le dernier. Depuis quelques années, les affaires de meurtre se succèdent dans le milieu des travailleurs du sexe. L'assassinat sordide d'une prostituée bulgare l'année précédente était passé complètement inaperçu. Une semaine après le drame, le vendredi 24 août 2018, des activistes et des proches de la victime organisent une marche blanche en mémoire de Vanessa et réclament justice pour leur amie. Nous sommes ici ensemble pour Vanessa Campos et pour toutes les victimes de violences. Nous sommes ici pour demander justice et respect. Les assassins de Vanessa n'ont toujours pas été arrêtés. Nous savons que cette violence n'est pas uniquement le fait de quelques hommes en dehors du système. Ces violences sont, au contraire, nourries et permises par tout un système de pensée, de lois et de politiques publiques qui répètent en permanence « La vie d'une pute, a fortiori trans et migrante, ne compte pas ». Tout a commencé 2 ans auparavant. Le 15 septembre 2016, il est 20h à Paris, quand, pour la première fois, Vanessa pénètre dans le Bois de Boulogne. À bord du taxi clandestin qui les transporte, elle et Karen, son amie toujours, rencontrées au Pérou, Vanessa découvre impressionnée cette étendue boisée dont elle a tant entendu parler et qui semble s'étendre à l'infini. Situé dans le 16e arrondissement de Paris, entre les banlieues chics de Neuilly-sur-Seine, Saint-Cloud et Suresnes, le Bois de Boulogne est l'un des plus vastes lieux de détente de l'Ouest parisien. Ses 850 hectares de parcs et de forêts en font l'un des poumons de la capitale et attirent chaque année des millions de visiteurs. On y vient entre amis ou en famille pour profiter des aires de jeu, faire des balades à vélo ou des promenades autour des lacs. Mais sa renommée mondiale, le bois la doit surtout à son activité nocturne et à ses nombreux trafics. Tour à tour, il abrite les courtisanes de François Ier, les favoris de Napoléon III, et devient, après la Première Guerre mondiale, un refuge pour les non-conformistes, les marginaux, les laissés pour compte. Le cadre, en cette fin de journée d'été du 15 septembre 2016, est bucolique, et les promeneurs sont encore nombreux. Une voiture ralentit et s'arrête sur l'artère principale du bois. Pour le premier soir de travail de son ami, Karen a prévu un petit comité d'accueil. Vanessa, timide mais souriante, rencontre alors ses nouvelles collègues. Des femmes trans, elles aussi, mais venues d'Équateur et de Colombie. Peu à peu, elles font connaissance, et les anciennes expliquent à la nouvelle comment la vie nocturne du bois s'organise, car c'est un club fermé, le bois, avec ses codes, ses usages, ses traditions. Comme l'explique Thibaut Solano, un journaliste de l'Express qui a mené une enquête sur le sujet. Au Bois de Boulogne, il y a 400 prostituées qui se répartissent selon 3 territoires, on va dire, 3 sous-territoires. Il y a les prostituées hommes qui sont de plus en plus rares, qui sont plutôt de jeunes hommes. Il y a les prostituées femmes qui sont ressortissantes de l'Europe de l'Est, qui sont un peu plus nombreuses et qui sont souvent sous la coupe de souteneurs, ce qu'on appelle des macs. Et puis, beaucoup plus nombreuses au Bois de Boulogne, en tout cas, sont les prostituées d'Amérique du Sud, qui comptent aussi des trans, des femmes, et qui sont effectivement en nombre important au Bois de Boulogne, et qui sont d'ailleurs soutenues par certaines associations. Vanessa prend ses marques. Très vite, elle lie des liens d'amitié solides avec ses nouvelles collègues, des figures emblématiques dans les microcosmes du bois. On les reconnaît à leur tenue débridée, exubérante. On les respecte pour leur franc-parler et leur capacité à se défendre. Comme les autres travailleuses du sexe, elles restent entre elles. Au bois, c'est comme ça. On ne se mélange pas, comme l'explique Thibaut Solano. au fil des années, ce maillage s'est construit ainsi. Et il faut savoir que ça correspond surtout à un communautarisme, en fait, très très poussé, puisque les prostituées, les travailleuses du sexe, se regroupent en fonction de leur pays d'origine. Et ça, c'est très marqué. C'est-à-dire, on a parlé d'Amérique du Sud, mais même au sein de ces groupes d'Amérique du Sud, il y a aussi le regroupement du côté Pérou, côté Équateur, etc., etc. Vanessa connaît tout cela. Au Pérou, c'était pareil. On travaillait toujours avec celles qui venaient du même village ou du même quartier. Ça créait un semblant de vie de famille. Elle découvre le bout de trottoir qui lui est attribué et ses frontières, très précisément délimitées. Alors Vanessa se met au travail. Toutes les nuits, elle enchaîne les passes, de 20h à 4h du matin. Son salaire est dérisoire et couvre à peine le loyer d'appartement qu'elle partage avec deux de ses collègues près de la porte de Clignancourt. Mais elle est fière d'être à son compte et de pouvoir envoyer ce qui lui reste à sa mère, à ses sœurs et à son frère. Au fil des semaines, pourtant, les filles se rendent à l'évidence. Les clients se font de plus en plus rares. Les recettes ne suffisent plus à couvrir les dépenses quotidiennes. Alors, l'inquiétude grandit au sein du groupe. Le problème, c'est donc cette loi qui vient d'entrer en vigueur, dont tout le monde parle et qui menace sérieusement le modèle économique, si l'on peut dire, de ce métier. C'est au terme de 2 ans et demi de vifs débats que l'Assemblée nationale française adopte la loi renforçant la lutte contre la prostitution. Au cœur de ce texte, la pénalisation des clients. Ils risquent désormais une contravention de 1 500 euros, pouvant aller jusqu'à 3 500 euros en cas de récidive. La France rejoint ainsi la Suède, la Norvège, l'Islande et le Royaume-Uni qui ont déjà adopté cette mesure. Au Bois de Boulogne, cette nouvelle loi fait l'effet d'un séisme. Désormais, ce ne sont plus les filles qui risquent des problèmes avec la police, mais bien les clients. Résultat, ils désertent. Et les filles, elles, s'enfoncent un peu plus dans la précarité. Cette loi sur la pénalisation des clients ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans un processus politique et législatif répressif qui, depuis la fin des années 40, s'évertue à faire disparaître le plus vieux métier du monde. Retour sur 50 ans de lutte contre la prostitution avec ce reportage diffusé en 2016 au journal télévisé France 2. 1946-2016, 70 ans de lutte contre la prostitution qui commence par la fin de siècles de tolérance. Avril 1946, c'est l'interdiction des maisons closes. 1400 établissements fermés en quelques mois. Mais la prostitution n'est pas déclarée illégale. Elle se déplace dans les rues. Problème ? Les prostituées y sont verbalisées pour racolage quand leurs clients, eux, sont laissés tranquilles. 1975, l'année du ras-le-bol. Les prostituées ne veulent plus être considérées comme des délinquantes. Elles manifestent, elles occupent même des églises sous la protection des ecclésiastiques pour réclamer des droits et obtiennent la fin du fichage des prostituées. Mais en 2003, c'est le retour en arrière. Avec la loi sur la sécurité, les prostituées risquent jusqu'à 2 mois de prison pour racolage passif. 13 ans plus tard, ce délit est abrogé. Pour la première fois, ce sont les clients des prostituées qui sont visés. Ils risquent désormais jusqu'à 1 500 euros d'amende. Au fil des époques, diverses politiques publiques influencées par l'évolution des mœurs et des valeurs sociales se succèdent. Si la prostitution est considérée par certains comme un mal nécessaire qu'il faut encadrer, elle est dénoncée comme un système contraire à la dignité des femmes par les féministes anglaises du début du XXe siècle. Cette vision abolitionniste se répand alors dans toute l'Europe et se diffuse très largement au sein de la société française. Peu à peu, le débat prend de l'ampleur et les avis sont de plus en plus tranchés. Il faut dire que la question dépasse la politique, elle est morale. 60 ans après la fermeture des bordels, les mêmes politiques se posent en défenseurs des plus vulnérables. Pour Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits de la Femme sous François Hollande, la prostitution doit disparaître, car elle est toujours le produit de contraintes physiques ou morales. Elle n'est jamais choisie. Je veux qu'on aille dans le sens de l'égalité entre les hommes et les femmes. Aller dans le sens de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est ne plus admettre que le corps des femmes soit ainsi exploité en tirant profit de leur vulnérabilité économique, de leur précarité, ou encore évidemment du fait qu'elles soient devenues de simples victimes de violences, de réseaux, de traite, de proxénétisme. Je sais que ça n'est pas un sujet facile, mais nous avons suffisamment de recul aujourd'hui pour être sûrs de ce qu'est la position de la France à l'égard de la prostitution. La position de la France, affirmée, réaffirmée constamment depuis les années 60 dans des textes internationaux multiples, c'est que la prostitution est une atteinte à la dignité des femmes, est une violence faite aux femmes. De leur côté, les néo-réglementaristes réclament la professionnalisation de la prostitution et distinguent la prostitution libre de la prostitution forcée, qui, elle, doit être combattue. Dans cette archive de France Culture, Morgane Merteuil, ancienne travailleuse du sexe et militante au sein de l'association du STRAS, le syndicat du travail sexuel en France, souligne l'hypocrisie d'une société qui ignore les revendications des premières concernées. Les revendications du STRAS, c'est l'accès aux droits communs pour toutes, pour tout le monde. Qu'on exerce le travail sexuel ou pas, qu'on soit forcé, qu'on l'ait décidé, qu'on l'ait plus ou moins décidé, qu'on l'exerce avec plus ou moins de contraintes et plus ou moins de liberté. Après, ce qui se passe aujourd'hui dans les débats sur la prostitution, c'est que le mouvement abolitionniste, au final, revendique toujours la voix de cette majorité silencieuse qu'on n'entend jamais. À partir du moment où finalement une pute prend la parole, elle n'est plus vraiment une prostituée, parce qu'ils ont une vision essentialisante de la prostitution, où forcément la prostitution est une victime qui n'a pas le droit à la parole, et dès qu'on parle en tant que pute, on nous dit « Ah oui, mais alors tu n'es pas représentative, parce que toi tu peux parler. Or, les vraies prostituées, c'est celles qui ne parlent pas. » Et ça, je pense que c'est super dangereux comme méthode rhétorique. C'est une méthode utilisée par les pires régimes fascistes, de dire « Je parle au nom de la majorité silencieuse », et ça permet d'exclure toutes les personnes qui prennent la parole et qui ne sont pas d'accord. Mais les Français ne sont pas prêts à changer de regard sur le sujet. Loin des débats radiophoniques et des plateaux télé, au Bois de Boulogne, on pressent déjà les conséquences de cette nouvelle législation. Novembre 2016, Vanessa et Karen se rongent les sangs. Elles ont perdu les trois quarts de leur clientèle. La fin du mois approche et elles n'ont pas de quoi payer le loyer. Et puis il y a ces Égyptiens, cette bande de jeunes migrants sans papier qui depuis trois ans traînent autour de leur secteur et rackettent les clients qui descendent de leur voiture. Au départ, il n'y en avait qu'un, El Nano, le nain, comme le surnomme les filles à cause de sa petite taille. Mais au fil des mois, la situation avait dégénéré. Nous le connaissons toutes, celui qui a commencé à venir voler les clients. Ça a commencé en 2013. Petit à petit, il a ramené du renfort, il a fait venir de plus en plus de monde, jusqu'à ce que ça devienne quasiment comme une mafia. Pour inciter les clients à revenir et se débarrasser des Égyptiens, les filles décident alors d'abandonner leur secteur pour s'établir au fond des bois, dans un bosquet isolé appelé le Précatlan. Ici au moins, les policiers ne viendront pas les déranger et, avec un peu de chance, les Égyptiens perdront leurs traces. Et au bout de quelques jours, effectivement, de nouveaux clients se présentent. Mais quelque chose a changé. Ils sont plus menaçants et se mettent à exiger des rapports non protégés. La passe, qui se négocie à 40 euros, a été divisée par deux. Les plus nécessiteux se vendent même pour 10, parfois 5 euros. La loi est passée par là. Les clients le savent, ce sont eux qui prennent les risques désormais. Alors les filles prennent sur elles, elles n'ont pas le choix. Stay. go away. Janvier 2017, 4h du matin, Bois de Boulogne. Vanessa termine sa dernière passe. Sur le sentier qui la ramène au campement, elle se retrouve nez à nez avec El Nano, le rasemote agressif, et deux de ses acolytes. Ils n'auront mis que quelques mois à les retrouver, et cette fois, c'est à elle qu'ils en veulent, ou plutôt à son argent. Alors qu'elle s'apprête à les envoyer bouler, la jeune femme constate que ses interlocuteurs ne sont plus si chétifs que dans son souvenir. Non, leur voix est plus grave, et leur regard plus menaçant. El Nano d'ailleurs sort un cutter de sa poche en souriant et d'un geste du pouce, son voisin menace silencieusement de lui trancher la gorge. Dans le taxi qu'il ramène chez elle, Vanessa peine à contenir sa rage. Rentrée bredouille après avoir travaillé d'arrache-pied toute la nuit, l'horreur. Pourtant, elle n'est pas du genre à se laisser impressionner. Dès l'enfance, qu'elle passe dans la petite ville de Cayalti, au nord du Pérou, elle doit affronter ses parents qui refusent de la considérer pour ce qu'elle est dans sa psychologie et au plus profond de son âme, une jeune fille. Forcée de quitter la maison, elle laisse derrière elle son frère et ses deux sœurs, trop petits pour comprendre. Livrée à elle-même, elle cherche un travail, mais l'identité qu'elle revendique pose problème. Au début des années 2000, au Pérou comme ailleurs, les personnes trans sont exclues, marginalisées, discriminées. Giovanna Rincon, militante pour les droits des personnes trans, revient pour France Culture sur l'une des sources de ce qu'on appelle la transphobie, précisément. La transphobie, c'est le rejet et la haine envers toute personne travestie, transgenre, transsexuelle, hein, ou supposée de l'être. Donc, ça veut dire ton apparence fait penser que tu n'es pas crédible en tant que femme ou homme transgenre. Là où la transphobie se cristallise le plus, c'est quand les personnes n'ont pas un passing parfait tel que la société impose aux hommes et femmes aujourd'hui dans une société où il faut être tellement belle, tellement bien habillée, tellement bien colorée, tellement bien, etc. Et là, tu peux imaginer tout ce que la personne subit. Pour une personne transgenre, le défi, c'est de devenir le moins repérable possible. De faire en sorte que la faille ne se voit pas du tout. Vanessa a beau raser les murs, elle est constamment injuriée, régulièrement passée à tabac. Par chance, elle rencontre Karen, une femme trans, elle aussi, de 5 ans son aînée, qui la prend sous son aile et lui apprend à survivre dans ce système qui les traite comme des êtres déviants, intrigants, des bêtes de foire en somme. Karen lui apprend aussi à se défendre et devient vite un modèle pour Vanessa. S'endurcir, rendre les coups, c'est le prix à payer pour pouvoir être qui l'on est. Mai 2012, les filles n'en croient pas leurs oreilles. Leurs voisins argentins viennent d'approuver un projet de loi accordant à qui veut le droit de revendiquer le genre de son choix et même de changer d'état civil. Les deux amis rassemblent alors les économies et décollent pour Buenos Aires. Mais à peine arrivés, l'espoir laisse place à la désillusion. La confidente de Vanessa raconte. Certaines périodes de notre vie ont été un cauchemar éveillé. Il ne faut pas croire qu'en Amérique latine, les prostituées trans sont bien acceptées par la société. Elles doivent survivre. La police est particulièrement cruelle. Combien de filles se sont faites agresser, violer sur le bord de la route par l'un de ces hommes en uniforme? Notre trajectoire de vie semblait nous avoir rendus invincibles. Vanessa était devenue un roc, une prostituée trans que rien ne pouvait faire vaciller. Nous étions persuadés qu'en quittant l'Argentine, le plus dur était derrière nous. Pour Karen, pas question de faire marche arrière, au contraire. C'est en Europe qu'il faut aller. Mais Vanessa est sans ressources. Elle laisse donc partir son amie avant de la rejoindre 3 ans plus tard. Nous sommes alors en janvier 2018. Cela fait déjà 1 an et demi que Vanessa est arrivée à Paris. Et depuis, sa situation n'a fait qu'empirer. Elle constate amèrement que Paris n'a rien d'autre à lui offrir que ce qu'elle connaît déjà. La violence, la misère, la clandestinité. Les Égyptiens aussi étaient déçus en arrivant dans la capitale française. Les anciens avaient menti. La France n'a rien d'un Eldorado. Mais en 2013, quand les frères musulmans, soutenus par l'armée, prennent le pouvoir en Égypte, les espoirs nés de la révolution sont réduits à néant. Le soulèvement de la population n'a servi à rien. Et l'avenir ne présage rien de bon pour des millions de jeunes qui, comme Karim, interviewé pour France 24, comptent bien rejoindre l'Europe, coûte que coûte. On n'a pas de travail. On n'a pas de vrai travail. Moi, en conduisant mon tuk-tuk et en m'épuisant toute la journée dessus, je ne gagne que 15 guinées. Ça ne suffit même pas à m'acheter des vêtements. Il n'y a pas d'éducation ici, je ne sais pas lire et écrire. En Europe, par contre, tu as une belle vie, tu as de l'argent et du travail. La route maritime qui relie l'Égypte à l'Italie est l'une des plus dangereuses de Méditerranée. La traversée est un traumatisme pour ceux qui en réchappent. Mineurs pour la plupart, sans papier pour l'immense majorité, ils sont nombreux à vouloir rejoindre la France par la route terrestre. Une fois arrivés à Paris, les jeunes migrants doivent se débrouiller comme ils peuvent pour trouver un travail, un endroit où dormir, dans un pays dont ils ne maîtrisent pas la langue. Alors la journée, tous galèrent au black, sur les marchés ou dans le bâtiment pour 40 euros. La nuit, ils traînent en évitant les contrôles d'identité et ils imaginent des plans pour se faire de l'argent facile. Décembre 2013, le plus petit d'entre eux par la taille, âgé de 21 ans, part en repérage au bois de Boulogne et y découvre son activité nocturne. À bonne distance, il observe les divers trafics qui s'y côtoient et comprend que si les filles de l'Est sont sous la coupe de proxénètes, les latinos, elles, sont à leur compte. Ce qui veut dire que personne ne les protège. Juillet 2018, au Précatlan, la tension est montée d'un cran. Les descentes des Égyptiens sont quotidiennes. Les filles viennent travailler la boule au ventre et repartent souvent sans un sou. Et les quelques agents qui patrouillent laissent faire. Alors Vanessa rapproche les cabanes les unes des autres. Elle met en place un signal d'alarme à utiliser en cas de danger. Un cri dans leur langue natale pour appeler au secours en cas de besoin et glisse dans tous les sacs à main des bombes lacrymogènes. Mais la plupart de ses collègues n'osent même plus se défendre. Un soir, la cadette du groupe se confie à Vanessa. Elle est dans le viseur de l'un des Égyptiens. Il lui a proposé un marché sordide. Si elle accepte d'avoir des relations sexuelles avec lui, il ne lui prendra plus son argent et laissera ses clients tranquilles. À contre-cœur, elle a accepté. Pour Vanessa, c'en est trop. Il faut prévenir la police. Mais ses amis tentent de la dissuader. Attention, je ne fais pas de généralité, mais il y a certains policiers qui font de nous des objets de raillerie. Ils rient entre eux. Ils m'appellent monsieur. Quand la police nous attrape, ils nous font nous déshabiller. Ils nous font montrer nos parties génitales et ils nous traitent comme des hommes. Et si tu tentes de les corriger en leur disant « Monsieur, vous me voyez ici comme une femme, alors traitez-moi comme telle », ils te répondent « Non, sur les papiers tu es un homme ». Donc pour éviter ces situations dégradantes, je ne préfère plus me rendre à la police. Les témoignages comme celui-ci, récoltés par France 24, ne manquent pas au bois de Boulogne. Et Vanessa le sait, sans papier, elle risque aussi d'être envoyée au centre de rétention, ou pire, au Pérou. Mais elle refuse de rester les bras croisés. Le soir même, elle interpelle les policiers en patrouille et les supplie d'intervenir. Sans succès. Elle se tourne alors vers une association qui fait des maraudes et appelle le commissariat du 16e arrondissement. Mais là encore, rien n'y fait. Le sort de ces jeunes femmes ne semble intéresser personne. En dernier recours, elle décide d'engager un jeune Africain, sans papier lui aussi, mais très imposant, et qui pour 50 euros par soir, assurera leur protection. À la surprise générale, le stratagème fonctionne. La présence de ce garde du corps semble dissuader les Égyptiens. Un mois plus tard, le 14 août 2018, à 1h du matin, l'un des malfaiteurs de la bande décide d'en découdre. Le garde du corps des filles tente de le dissuader. Il est en pleine forme ce soir. Mais l'agresseur insiste. Alors il reçoit la rousse de sa vie et s'enfuit à toutes jambes. Les filles ont assisté à la scène. Elles sont hilares et décident de trinquer la santé de leur ange gardien. L'ambiance est à la fête. On ne viendra plus les déranger. Au même moment, à travers les fourrés, le jeune Égyptien revient sur ses pas, enragé. Comment ses comparses vont-ils accueillir la nouvelle? Comment être pris au sérieux après ça? Sur le bord de la route, une voiture de police est stationnée. Elle est vide. Il se rapproche, inspecte l'intérieur et remarque un reflet intrigant dans la boîte à gants, mal fermée. À l'aide d'une pierre, il casse la vitre. Sous ses doigts, il sent un objet froid et lourd, un revolver 9 mm. Au moins, il ne rentrera pas les mains vides. Deux jours plus tard, le 16 août 2018, il est 23h au Précatelan et les filles sont toutes à leur affaire. Toutes, sauf Vanessa, qui attend encore l'arrivée d'un client, lorsqu'elle entend du bruit dans les fourrés. Entre les arbustes, elle distingue des silhouettes qu'elle reconnaît aussi vite. Les Égyptiens sont revenus, et cette fois en nombre, pour se venger. Ils sont peut-être une dizaine autour du garde du corps, et ils s'avancent vers lui, menaçant, armés de cutters, de couteaux et de bâtons. Alors que les insultes fusent, l'un des Égyptiens empoigne une bûche de bois et assomme brusquement celui qu'elle avait engagé pour sa protection. Horrifiée, Vanessa sort de sa cachette en hurlant et s'interpose. Derrière elle, le jeune homme se relève péniblement et prend la fuite. Vanessa se retrouve seule, encerclée à son tour. Dans l'obscurité, elle aperçoit le scintillement des lames de couteau qui se rapprochent dangereusement. Et alors qu'elle cherche une issue, elle se souvient du signal qu'elle avait mis en place pour ses amis. Alors, de toutes ses forces, elle hurle « Todas, Todas !» La suite, ce sont les Égyptiens qui la raconteront aux policiers quelques jours plus tard. Deux des malfaiteurs se jettent sur Vanessa et la poignardent brutalement. Et alors que la jeune femme tente comme elle peut de se débattre, le chef du clan dégaine un revolver et lui tire dans la poitrine. Vanessa est projetée à l'arrière et s'écroule. L'assaillant, lui, galvanisé par son geste, se met à tirer à l'aveugle, en l'air, puis autour de lui. Les balles frôlent ses complices. Lorsqu'à minuit, les policiers arrivent sur les lieux du crime, les filles sont encore sous le choc. Elles ont toutes la sensation d'avoir échappé au pire. Mais cette fois, les agents recueillent leurs témoignages avec attention. Alors elles décrivent sans difficulté et avec précision le profil des assaillants avec qui elles cohabitent depuis des années. Dans les déclarations, le surnom El Nano revient sans cesse. Aussitôt, une information judiciaire est ouverte et l'affaire est confiée à la brigade criminelle de Paris. Mais les filles ne s'arrêtent pas là. Après le départ des policiers, elles enquêtent par leurs propres moyens sur les réseaux sociaux et parviennent à dénicher les photos de quatre des suspects qu'elles transmettent à la crime. Quelques jours plus tard, un témoin anonyme se présente aux enquêteurs et affirme qu'un certain Borsaïdi serait le chef de bande. C'est en exploitant la ligne téléphonique de ce dernier que les agents relèvent 10 numéros actifs le soir du meurtre aux environs du Précatelan. Placé sur écoute, l'un d'entre eux avoue alors une amie avoir un gros problème sur les bras et regrette que le règlement de compte ait viré au drame. Pris de panique, il raccroche brutalement, mais trop tard. Et puis on a du nouveau dans l'enquête sur le meurtre de Vanessa Campos. On a appris hier qu'un homme de 25 ans avait été interpellé la semaine dernière à son domicile de Saint-Denis. Il était mis en examen pour vol aggravé et meurtre en bande organisée. Et il rejoint en prison cinq autres suspects arrêtés peu de temps après les faits. Vanessa Campos, souvenez-vous, cette prostituée transgenre qui avait été tuée dans le bois de Boulogne dans la nuit du 16 au 17 août. Grâce aux informations précises recueillies le soir du meurtre et à l'investigation menée par les amis de Vanessa, les enquêteurs parviennent à boucler 9 des 10 suspects en à peine un mois. Le premier coup de filet est lancé 4 jours seulement après le meurtre. 21 août 2018, le soleil se lève sur la ville de Pantin, en Seine-Saint-Denis. Posté à bonne distance d'un squat, à l'arrière d'une fourgonnette passe-partout, les enquêteurs activent les IMSI catchers, ces valises qui aspirent les données téléphoniques environnantes. En quelques minutes, 5 suspects, dont Borsaïdi, El Nano et 2 frères, sont géolocalisés, interpellés et mis en cause pour le meurtre de Vanessa Campos. Au cours des semaines suivantes, 4 autres individus sont arrêtés, 2 le 7 et le 14 septembre, les derniers le 11 octobre. Les gardes à vue s'enchaînent et se ressemblent. Les suspects ont entre 16 et 30 ans. Ils viennent tous d'Égypte, sauf un qui vient de Syrie. Ils ont rejoint l'Europe sur des embarcations de fortune alors qu'ils étaient des enfants. Deux d'entre eux sont d'ailleurs toujours mineurs. Mais comme l'explique Thibault Solano, journaliste à l'Express, le statut de mineur isolé ne suffit pas toujours à garantir une quelconque protection, un encadrement, ni même une mise à l'abri. Ça nous montre un vrai problème qui se pose en France, c'est la situation des mineurs isolés qui sont de plus en plus nombreux avec la crise migratoire. Pour donner un ordre d'idée, ils étaient 2800 à Paris et dans la banlieue, la petite couronne de Paris en 2017, d'après les chiffres. Et il y en a deux, effectivement, qui étaient considérés comme mineurs isolés, qui avaient entre 15 et 17 ans, donc. Et ils auraient dû être logés en foyer. L'un, par exemple, était logé plutôt en hôtel social, faute de place. Ça veut dire quelque chose aussi. Et en fait, on se rend compte que ces jeunes sont complètement livrés à eux-mêmes, donc à la merci de l'influence des plus âgés, qui sont pas toujours les plus sages, et qui, en fait, devraient normalement suivre des formations, être encadrés au quotidien pour une insertion sociale. Et là, on se rend compte que c'était pas du tout le cas pour les deux mineurs isolés qui étaient dans cette bande. La plupart des prévenus ont déjà des casiers judiciaires bien fournis, surtout pour des vols avec violence. Mais au cours des interrogatoires, tous s'accordent à désigner un certain Mahmoud K comme le meurtrier de la victime. C'est lui qui aurait ordonné aux autres de se rendre au Précatelan ce soir-là, pour en finir avec ce garde du corps qui entravait leur business. Certains SMS échangés entre les suspects avant leur arrestation confirment cette version. Le problème, c'est que Mahmoud K reste introuvable. Fin novembre 2018 en Allemagne, dans un foyer pour réfugiés de la commune de Paderborn, les pensionnaires déjeunent dans le calme. Au fond du self, attablé, seul, un jeune homme termine son assiette. Depuis son arrivée au centre, il fait profil bas. À Lille aussi, il était resté discret. Surtout ne parler à personne et ne pas faire de vagues. Bientôt, il recevra la réponse des autorités allemandes concernant la demande d'asile qu'il a déposée, sous un faux nom bien sûr. Mais alors qu'il se lève et débarrasse son plateau, il aperçoit un, puis deux policiers postés devant les portes battantes du self, leur regard braqué sur lui. L'instant d'après, il est projeté en avant, plaqué au sol et menotté. 3 mois de traque, un mandat d'arrêt européen et un coup de pouce des Allemands, c'est ce qu'il aura fallu pour mettre la main sur Mahmoud K, le tueur présumé de Vanessa Campos. 2 mois plus tard, le 18 juillet 2019, le viaduc de Til, situé en Lorraine, non loin de la frontière franco-allemande, est le théâtre d'une extradition qui n'attire que peu de journalistes. De retour à Paris, après sa mise en examen et une audition devant le juge d'instruction, Mahmoud K, 21 ans, rejoint sa complice derrière les barreaux. Le corps de Vanessa Campos repose dans son village natal, au nord du Pérou. À des milliers de kilomètres de là, au Précatelan, un petit mémorial lui rend hommage. Une photo plastifiée de son visage souriant, quelques bougies fondues et un message déposé là par ses amis. Descansa en paz. Repose en paix. Oui, la paix. C'est tout ce que Vanessa demandait, qu'on la lui fiche, qu'on la laisse exprimer sa personnalité, qu'on la laisse exercer son métier, qu'on la laisse exister quelque part sur Terre. Mais il avait toujours fallu se battre contre l'intolérance, le mépris, l'indifférence, c'est peut-être ça qui l'a tué finalement. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. Had a gun, flipped the script, had a big bone to pick. Got the short end of sticks, so we made a fire dead. Let it burn to a crisp, and that's a surefire flip. She's a boss, she's a... I take that as a compliment. I say I'm moving real low, believe I'm on a high note. Always leave a loyal, mama read me thorough. Yeah, better wake up, it's on the way up. You ain't finna play her. Shawty gon' get that paper. Shawty tongue rip like razor. Shawty got wick, got flavor. Part of my d***s in makeup. Pay her, dip it and hit that layup. Shawty ain't with them games, yeah. Shawty gon' get that paper, pay her. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. don't cut. Think I spy your eye on my bucks. Great look, not a lion woke up. You are my crying. Live in a minor event. I finally slipped. Built on nobody's cement. Nobody went in. Contain what I'm bottling in. It's been a Shawty gon' get that paper. Shawty don't rip like razor. Shawty got wick, got flavor. Part of my in makeup. Pay her. She went and hit that layup. Shawty ain't with them games, yeah. Shawty gon' get that paper. Pay her. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Vanessa Campos, dont nous allons parler avec notre invité Giovanna Rincon. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vous remercie. Vous êtes militante pour les droits des personnes trans, co-porte-parole de la Fédération Trans et Intersexe et du STRAS, le syndicat des travailleurs du sexe. Tout ça, on a compris. Mais vous êtes directrice de l'association Accept Us T. Je ne sais pas si on la prononce comme ça. Dites-moi ce que fait cette association. Quelle est sa vocation, déjà? Alors, oui. Avant de vous répondre à ça, je souhaiterais surtout envoyer un message, une pensée profonde à la mère et à la famille de Vanessa Campos et à toutes les personnes trans qui ont été au moment de son assassinat, leur dire que voilà, ce travail que vous réalisez aujourd'hui, notre travail continue pour faire vraiment en sorte que justice soit faite pour Vanessa. Alors, Accept Us T, c'est une association qui a été créée par des femmes trans, migrantes, travailleuses du sexe, et largement concernées par le VIH. Nous avons développé un projet santé communautaire. Aujourd'hui, nous nous revendiquons comme une association transféministe, et c'est une association qui a développé 4 pôles de travail social, santé, justice et aussi la partie plaidoyer, mobilisation qui sont très importantes. Et c'est une association représentante des usagers du système de santé qui collabore aujourd'hui avec la pluridisciplinarité du secteur de la santé publique, mais aussi dans les politiques publiques avec la ville de Paris en ce moment notamment. Donc c'est une protection. Alors on l'a entendu dans ce récit, la loi de 2016 qui pénalise le client d'achat de services sexuels a eu un impact néfaste sur les conditions de vie des trans, bien sûr, qui sont confrontés à davantage de précarité, exposés à plus de dangers et donc moins protégés. Quel était le but affiché par les élus qui ont voté cette loi? Alors, il faut pas oublier qu'en 2016, un rapport a été présenté pour convaincre les élus sur le fait qu'il y avait 40 000 travailleuses du sexe ou prostituées, qu'il fallait rapidement adopter une loi pour les protéger. Et donc l'intention et le but, c'était notamment de mettre à disposition tout un dispositif de régularisation de ces 40 000 personnes, mettre à disposition des lieux leur permettre de, à travers la régularisation, évidemment, d'accéder au travail dit formel. Et donc, voilà, c'était une façon de donner la dignité pour la première fois aux personnes travailleuses du sexe prostituées qui, jusqu'à ce moment-là, étaient plutôt pénalisées par le délit de racolage et la persécution et toutes ces questions. Aujourd'hui, les conséquences sont tout le contraire. Parmi les 40 000 personnes dites à protéger, il y a que 300 personnes qui ont réussi à obtenir une autorisation provisoire de séjour. Et les demandes de logement, on le sait aujourd'hui, sont saturées. L'insécurité qui s'installait est énorme. Donc, il y a des effets assez pervers avec cette adoption de la loi qui, par ailleurs, a été soutenue par la grande majorité des partis politiques qui, aujourd'hui, petit à petit, se remettent en question grâce à notre mobilisation et avec tous les effets néfastes qui sont aujourd'hui la preuve qu'en quoi ça ne fonctionne pas, cette loi. Oui, il s'agissait aussi de lutter contre ce qu'on peut appeler l'esclavage sexuel. Quand même le lot de beaucoup de prostituées, pas forcément des trans, beaucoup de prostituées qui ne se prostituent pas par choix. Donc il y a cette notion d'esclavage sexuel contre laquelle cette loi peut-être voulait lutter. Mais nous sommes les premières, les activistes et les personnes travailleuses du sexe indépendants qui le faisons avec un libre et consentant à militer et à mobiliser nos énergies contre le trafic des êtres humains. Donc effectivement, le proxénétisme et le trafic des êtres humains depuis que la loi a été adoptée a empiré, donc il y a une augmentation du trafic des personnes, donc ça veut dire aussi qu'il a encore une preuve qu'en quoi la loi, elle s'est trompée, les cibles aujourd'hui ne sont pas celles qu'on souhaiterait vraiment protéger en réalité, donc il y a des effets collatéraux de cette loi et des victimes collatérales aussi par rapport à cette nécessité de protéger les victimes du trafic des êtres humains, qui est une nécessité absolue, hein. Bien sûr. Giovanna Rincon, on se retrouve dans 3 minutes après avoir entendu Vanessa Paradis qui chante Walk on the Wild Side. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She said, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey honey, take a walk on the wild side." Candy came from out on the island. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given a head, she said, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey babe, take a walk on the wild side." And the car goes go doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop. Sensible sur France Inter aujourd'hui, l'affaire Vanessa Campos dont nous parlons avec notre invitée Giovanna Rincon. Travailleuse du sexe, quelle est la différence de traitement et de conditions de vie entre les travailleuses du sexe qui sont trans et celles qui ne sont pas? Alors, les personnes trans qui sont concernées par le travail du sexe vont se retrouver à l'intersection de sur discrimination, dont en premier celui lié à l'apparence, celui lié à la situation d'irrégularité sous le territoire, lié à la couleur de la peau, à la classe sociale, à l'handicap, etc. Donc effectivement, une personne trans qui va cumuler autant de facteurs discriminantes et aussi stigmatisantes, effectivement, va se retrouver avec moins de chances pour accéder à louer un appartement, pour pouvoir aussi être protégé dans les instances de justice aujourd'hui. Il y a aussi, je pense, une espèce de déshumanisation quand une personne cumule autant de facteurs qui apparaît pour la société, des facteurs un peu lourds et qui ne sont pas compréhensibles pour beaucoup. Mais maintenant, on en parle plus. Enfin, la représentation des personnes trans dans les médias augmente. Alors, c'est parfois problématique, mais elles sont de plus en plus visibles. Est-ce que c'est aller sur la bonne voie, ça, que de leur donner la parole, qu'elles soient visibles? J'imagine que oui, mais comment vous ressentez ça? Vous voyez, ça fait plus de 50 ans que nous militons pour les droits civiques des personnes LGBT. Et c'est clair que c'est que maintenant que les personnes trans ont le droit à s'exprimer, à raconter leur propre parcours de vie, leur propre mémoire, les conséquences aussi de la transphobie. Et évidemment qu'aujourd'hui, des espaces comme France Inter, qui nous permet de parler à la première personne et de raconter les conséquences de l'assassinat de Vanessa Campos, pour dénoncer aussi toute cette espèce de situation sociale qui vont créer, nourrir aussi la transphobie, et qui sont présentes aussi par le manque de politiques publiques et législatives, évidemment que c'est une avancée énorme. Aujourd'hui, ce qu'il faut juste rappeler à quel point on continue quand même à utiliser la notion de trans, de troisième sexe, comme étant juste un phénomène et pas vraiment une situation une identité. Où on doit humaniser l'existence des personnes. Là, il faut passer du phénomène à l'identité, si j'ai bien compris. Du phénomène à la humanisation des identités, la reconnaissance de leur existence, le respect de leur existence, et d'arrêter de renvoyer à des assignations d'exclusion et des maltraitances par l'exclusion et par le rejet. Djibala Rincon, on a bien compris. J'ai une dernière question à vous poser, je ne voudrais pas passer à côté. À cause de la situation sanitaire, de ce maudit virus qui nous gâche la vie à tous, et qui parfois est même dangereux et crée des drames, beaucoup de professions sont aidées par les pouvoirs publics, et c'est normal. Est-ce que la vôtre est aidée? Malheureusement non. Donc dans la première vague et le premier confinement de l'épidémie Covid, nous avons interpellé le secrétariat égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations Marlène Schiappa pour qu'elle puisse débloquer un fonds d'urgence pour pouvoir participer au loyer des personnes travailleuses du sexe, trans et autres. Ça a été fait ou pas? Et elle a refusé. Elle a refusé. Du coup, aujourd'hui, on continue maintenant avec la nouvelle ministre égalité hommes-femmes à l'interpeller. Mais encore une fois, elle refuse vraiment d'accepter la création d'un fonds d'urgence. Aujourd'hui, il y a un député de la République en marche, Raphaël Gérard, qui a présenté 3 amendements qui ont été refusés. Un seulement a pris a été accepté. C'est en ce moment que ça se passe directement à l'Assemblée nationale. Donc nous sommes face à une situation d'urgence où la plupart des personnes trans, travailleuses du sexe, notamment sans papier, vont se retrouver petit à petit expulsées de leur lieu d'habitation. Je rappelle à quel point c'est une nécessité de garantir le lieu d'hébergement et de confinement des personnes afin d'éviter l'exposition à la contamination ou à la transmission du Covid. Parfait. Donc, finissez votre phrase, je vous en prie, et après on se quittera. Donc, c'est évident qu'aujourd'hui, obtenir un fonds d'urgence pour payer le loyer et participer aux dettes de loyer de ces personnes doit être intégré comme étant un outil de lutte contre l'épidémie et pas juste un débat idéologique sous la prostitution. Merci infiniment, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Djibala Rincon. Merci pour votre témoignage. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Vanessa Campos, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, bien sûr. Et merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui.